Attention, attention, cavalier, cavalière, tout le monde en piste, car c'est le décollage à la danse avec Pierre Chopin. Yeah. Mon cœur est prisonnier, Lydia, libère mon âme. Mon cœur est dans ton cœur et c'est tout mon bonheur. Mets ton cœur dans le mien, prends ma vie et viens Lydia. Jolie fille et gentille, ma vie te réclame. Mon cœur est prisonnier, Lydia, libère mon âme. Mon cœur est dans ton cœur et c'est tout mon bonheur. Mets ton cœur dans le mien, prends ma vie et viens Lydia. Jolie fille et gentille, ma vie te réclame. Je vois le jour est beau et clair, la nuit belle et noire, parce que ta créature m'inonde. Douce Lydia, jolie fille gentille, pays des fleurs, tu as conquis mon cœur, du pied de la tête, tu es faite pour aimer. Je suis amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux. Je suis amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux, amoureux. Terrible au cœur, pour ta beauté incomparable, mon âme était emportée par ton doux sourire, ma belle rose antillaise, Lydia chérie à moi. Lydia rose antillaise, tu m'as troublé, Lydia toi mon ange, prends-moi chérie dans tes bras, Lydia toi mon ange, je n'en peux plus tout de moi, Lydia toi ma douce, amène-moi aux Antilles. Antillaise, Lydia la chérie moi, Lydia la doudou moi, amène-moi aux Antilles. Après les Antilles nous irons en Afrique, au pays de nos ancêtres. Chérie moi, doudou moi, Lydia aux Antilles. Tu m'as troublé, Lydia toi mon ange, prends-moi chérie dans tes bras. Lydia toi mon ange, je n'en peux plus de tout moi. Lydia toi ma douce, amène-moi aux Antilles. Thank you. Yeah. Oka. Appréciez. Dansez, dansez, dansez, dansez, dansez, dansez. Bina, bina, bina. Dansez, dansez. Chérie moi Lydia, chérie moi Lydia. Doudou moi Lydia, doudou moi Lydia. Chérie moi Lydia, chérie moi Lydia. Doudou moi Lydia, doudou moi Lydia. Oh Lydia chérie moi. Doudou moi, doudou moi, Lydia. Chérie moi, Lydia. Chérie moi, Lydia. Doudou moi, Lydia. Doudou moi, Lydia. Chérie moi, Lydia.